Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 51. Les anges et les corps. Si les anges ont des corps, s'ils en prennent parfois. 1. Les anges sont-ils unis à des corps? Les anges n'ont point de corps qui leur soit naturellement uni. L'essence de la substance intellectuelle ne réclame pas l'union avec un corps. Comprendre n'est pas l'acte d'un corps, ni l'effet d'une vertu corporelle quelconque. Il peut se faire, il est vrai, qu'une substance intelligente ait besoin d'être unie à un corps, et telle est l'âme humaine, mais celle-ci est imparfaite dans le genre des intelligences, et, dès qu'on trouve, dans un genre quelconque, des êtres imparfaits, il y a nécessairement dans ce même genre quelque chose de parfait. Cela seul suffit pour démontrer qu'il se rencontre dans la nature intellectuelle des substances parfaites qui n'ont pas de corps, parce qu'elles n'ont nul besoin d'acquérir leur connaissance par le moyen des choses sensibles, ce sont celles-là qui portent le nom d'ange. 2. Les anges prennent-ils des corps? Il n'est pas impossible que les anges prennent des corps. Abraham en vit trois sous une forme humaine. Était-ce de la part du saint patriarche une vision imaginaire? Non, ces anges furent vus, non seulement par lui, mais par toute sa famille, par Lot et par les habitants de Sodome. L'ange qui apparut à Tobie était vu pareillement de tout le monde, comme on voit un objet corporel qui est devant soi. Donc, puisque les anges ne sont pas des corps et qu'ils n'ont pas non plus de corps qui leur soit naturellement uni, nous devons conclure qu'ils en prennent quelquefois, non par besoin, mais dans le but de nous faire pressentir la société intellectuelle que nous formerons un jour avec eux. Note. On sait aussi qu'autrefois leurs apparitions figuraient l'incarnation du Verbe. Les corps qu'ils prennent ne leur sont unis ni comme la matière est unie à la forme, ni comme elle l'est à un simple moteur, mais ils sont tels qu'ils représentent le moteur qui les a pris, c'est-à-dire que, par la vertu divine, les anges se forment des corps propres à représenter sensiblement leurs propriétés intelligibles. À cet effet, ils condensent l'air, autant qu'il est nécessaire pour lui donner la forme d'un corps. Fin de la note. 3. Les anges exercent-ils réellement les fonctions vitales dans les corps qu'ils se sont ainsi façonnés? Ces corps, qui ne vivent pas, sont incapables de se prêter aux fonctions réelles de la vie. Note. L'ange Raphaël dit, en effet, à Tobie, lorsque j'étais avec vous, il vous paraissait que je buvais et que je mangeais, mais je me nourris d'une viande invisible et je me sers d'un breuvage qui ne peut être vu des hommes. Tobie 12. Fin de la note. Mais, par leurs moyens, les anges font les actes communs aux êtres animés et inanimés, tels que parler, marcher. Les bons anges ne blessent certainement pas la vérité quand ils se montrent ce qu'ils ne sont pas, des hommes vivants, car ils ne prennent ces formes que pour désigner leurs propriétés et leurs actions spirituelles par les propriétés et les actions des hommes. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.